Chapitre 2. Charles de X est donc parti. Le voilà en Afrique, magnifique conquête trouvée dans les débris augustes d'une antique et malheureuse monarchie. Affamé d'honneur et de gloire, il a perdu dans les vastes plaines de l'Algérie, à la poursuite d'Abdelkader, le souvenir de la petite ville de Grès. Le charme de sa première garnison a disparu et le prestige de sa passion brûlante, éternelle, comme elles le sont toutes à leur début, n'est plus qu'un rêve effacé de sa mémoire. Il a tout oublié. Il ne songe plus qu'aux épaulettes de capitaine et qu'à la croix d'honneur. Pendant ce temps, le petit chaperon blanc était devenu triste, bien triste. La pâleur du lys avait remplacé sur son joli front la teinte rose de la reine des jardins. Comme une jeune fleur battue par l'orage, sa belle tête blonde s'inclinait sur son cou. Sa marche devint dolente, son regard inquiet, incertain. Sa voix, comme ses yeux, se remplit de larmes. Sa lèvre perdit son gracieux sourire. Louise aimait. Forte au moment du danger, invincible en face d'un péril qu'elle ne comprenait pas encore, Louise avait résisté sans aucun mérite, par intuition, comme un sentiment ignoré. Mais le danger éloigné, lorsqu'elle se retrouva seule avec ses souvenirs et qu'elle interrogea son jeune cœur sur les pensées mystérieuses qui le préoccupaient, elle se rappela les douces paroles qu'un jour elle avait entendues et qu'elle avait repoussées loin d'elle, les chastes propos qu'elle avait bannis loin de son âme. Elle revit, dans ses longues insomnies, Charles de X, à genoux devant elle, lui disant, comme autrefois, « Louise, je vous aime. » Pauvre Louise, elle n'eut pas la force de résister à ses souvenirs. Elle, qui avait eu le courage de répondre à Charles, « Relevez-vous, monsieur, et laissez-moi. Je ne puis vous entendre. Et je ne dois pas vous croire, car vous êtes riche. Et moi, je suis pauvre. Vous êtes noble et puissant, et moi, je ne suis qu'une pauvre fille sans nom, sans famille, et sans autre richesse que deux jeunes enfants que ma mère m'a laissés pour tout héritage. » La profonde tristesse qui s'était emparée d'elle prit bientôt le caractère d'une fièvre dangereuse, et un jour qu'elle n'eut plus de larmes au cœur, plus de soupirs dans l'âme, elle pria Dieu, bien religieusement pour elle et pour ses malheureuses sœurs, qu'elle ait de nouveau se trouver sans l'appui de leur mère, car elle crut qu'elle allait mourir. On l'emporta à l'hôpital, et Dieu, qui avait entendu ses prières, envoya à ses pauvres sœurs une seconde mère, car c'est bien véritablement une mère, la mère des malheureux, cette femme, ange ou divinité, qui, inspirée par l'amour de son prochain, se consacre tout entière à l'adoucissement des misères humaines. Louise avait une de ces maladies dont le siège est au cœur, et qui, déjouant en quelques jours toutes les ressources de l'art, conduisent en peu de temps à la tombe. Elle fut bientôt condamnée par les médecins.